fait, on est tous les acteurs de cette problématique, du stress. Le stress s'applique à tout le monde, je crois, à toutes les échelles, hein, que ce soit les économistes de la Commission ou les autres, ou le dernier des. Enfin, tout le monde est stressé en ce moment, c'est vraiment un stress de l'espèce, quoi. Il faut qu'on trouve une solution. Et pour ça, faut tisser des relations, des liens, des trucs enfin, des liens improbables entre les uns et les autres qui vont faire que des solutions aussi créatives et inattendues que possible émergent, puis soient sélectionnées éventuellement ensuite, mais enfin, qu'il y ait une efflorescence de création aussi diversifiée que possible, parce que c'est là-dedans qu'on va trouver les bonnes solutions, une explosion. Comme il y a eu l'explosion précambrienne, quoi. Des espèces monétaires n'ont plus finir avec derrière une hécatombe terrible, qui j'espère ne sera pas une hécatombe humaine, mais simplement de systèmes monétaires. Il y a des trucs qui vont l'emporter sur d'autres. Il va bien falloir faire gaffe de pallier notre vie physique ou sociale à l'existence de tel ou tel truc, quoi. Parce que sinon, il y a des gens qui vont mourir avec leur système, quoi. Avec leur monnaie, hein, si on est trop dépendant de ça, quoi. Et moi, ma manière de faire, c'était de créer ce générateur politique et de trouver la force de poursuivre, après 30 ans, un truc comme ça, et de le redévelopper, essayer, tant bien que mal, de le mettre entre les mains de tout le monde, parce que je crois que c'est important de fournir un modèle de pensée, enfin, pas un modèle de pensée au sens prédigéré, il faut penser comme ci, comme ça, non! Un métamodèle, quelque chose qui permet d'échanger d'avoir des terrains d'entente, de discussion et d'évaluation des situations dans lesquelles on est impliqué. Et de ce fait, oui, prendre un recul et une forme de liberté par rapport à ce qui nous arrive.